Cadenos, l'œuvre que vous avez privilégiée parmi toutes celles de vous, que vous reconnaissez, pour tenter de vous montrer tel que vous êtes. En attendant, j'aimerais bien que vous éclairiez quelque peu nos auditeurs sur le sens précis que Adnos conserve à vos yeux. Bien, peut-être pourrais-je lire ce petit texte qui n'est qu'une introduction, donc je ne sois pas sûr que le terme convienne, mais il arrive très souvent lorsque je termine une pièce que des mots viennent, et ces mots appartiennent à la pièce. Donc je les accepte comme tels, je les mets les uns au bout des autres, et puis je les livre avec, d'un côté les sons, de l'autre les mots. Donc si vous voulez, je vais. Merci. Volontiers. Il y a un petit exergue d'adage en adinami pour tous les ados et les adnés, cet adinda. Puis, déplacer des pierres dans le lit d'un ruisseau n'affecte pas le cours de l'eau, mais en modifie la forme fluide. Ainsi, une énergie sonore fortement présente transforme le cours des zones fluides de la résonance et génère l'activité sonique en voie de développement. Telle l'aiguille du temps, jalonne le mécanisme des engrenages d'une montre ouverte intégrée à son mouvement. Dans la conque formée par le cours des sons, l'oreille filtre, sélectionne, privilégie, comme le ferait un regard posé sur le miroitement de l'eau. L'écoute seule est sollicitée, comme un regard absent et double, tourné à la fois vers une image extérieurement proposée, dont le reflet vit en réflexion dans l'univers intérieur. Je ne sais pas si cela représente les sons eux-mêmes. Je n'y crois pas, car je crois qu'il est absolument impossible de traduire en mots l'univers des sons. Mais c'est là, ça va avec.